Tu connais une chanson, Gabriel? Non, mais on n'en a pas ici. Oui. Alors, je vais peut-être trouver. Tu connais la chanson Une souris verte? Oui, je la connais. Tu peux la chanter? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile. Et c'est là dans l'eau. Et sera un escargot tout chaud. D'ailleurs, le pâté d'escargot, il doit plus être très bon. Ah, le pâté d'escargot. Le cerveau d'escargot. Il y en a une autre là-bas, juste là-bas. Juste à côté, t'en as une autre. Le seul animal qui dort debout. Tu peux les mettre dans mon nombril. Les billes dans le nombril. Les billes dans le nombril, c'est un peu bête, hein. Un peu bête.